Étape 2, compréhension auditive. Phase 1. Vous voyez une série d'images. Vous allez entendre une phrase qui correspond à chaque image. Regardez l'image et répétez la phrase que vous entendez. 1. Ce monsieur a une moustache. 2. Il a le menton carré. 3. Il est gros. 4. Il est brun. Il a les sourcils noirs. 5. Il a une barbe et les cheveux longs. 6. Il a les cheveux courts. Il est costaud. 2. Regardez les images 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous allez entendre des phrases identifiées par les lettres A, B, C, D, E et F. Chaque phrase correspond à une image. Écrivez la lettre de la phrase que vous entendez sous l'image qui lui correspond le mieux. Exemple, vous entendez A. Il n'a pas de barbe, mais il a une moustache. Et vous écrivez A sous l'image 1. B. Il est costaud. Il a les cheveux courts. C. Il a les cheveux noirs et les sourcils noirs et épais. D. Il a les cheveux longs et une barbe épaisse. E. Il est gros. F. Il a le menton carré.